Septième ciel au cimetière, j'trouve les portes. Deux fois c'est mesure, le marteau de fort sur 77 km. 176, LLC, c'est pour ma ville, mon quartier plaisir que j'aime. C'est pour les soirées foirées, car foule en boîte, on soit la PlayStation. Jusqu'à l'obsède pour le taf intérimaire. Qui m'ont cassé le dos pour jusqu'à là, donc plein d'été amer. Décidément, c'est la même. Depuis des siècles, ça ne va pas changer. D'ici demain, je suis sans panne sèche. Bienvenue dans le monde, au visage, ça l'ouvre-t-il. Mes frères dans la dette, ça l'ouvre-t-il. Ok, je suis mal barré, gros, je suis possédé comme Albéry, c'est aberrant. Non, j'aime trop le pleurer, il faut que j'atterris. J'intéresse la science, certes des cicatrices. Elle fait de cicatrices, prends plaisir en silence. J'ai perpère, oh, du jeu, si je vois la terre, terre, je vais pas me taire, terre. Donc le silence qu'on m'interne, terre. Et d'une, je suis sur la lune, et deux, je suis cosmonaute. Et trois, pour des petites lunes, on risque les grosses menottes. Et comment ça, les tasses, de l'état, veulent qu'on m'isole. Pour commencer, gros, j'ai un trottin fait une camisole. Je m'idole, j'ai pas vous de mon côté, moi je fais ta caca. Sérieux, je suis pas fou, mais de venir, j'en suis pas incapable. Pour le bif, on buzz pas. Les bras, sur les bras, tout ça l'abri. Faire l'abruti, on vient célébrer. On frappe, ok cool, on refrain. Si ça c'est vrai, c'est vrai. On refrain, on refrappe. Pour le bif, on buzz pas. Les bras, sur les bras, tout ça l'abri. Faire l'abruti, on vient célébrer. On frappe, ok cool, on refrain. Si ça c'est vrai, c'est vrai. On refrain, on refrappe. Pour ma patrie, j'ai le cœur patraque. Parti quand des petits trolls. Traque à la Fiori Patrick, mon truc des bifs à la pitrole. Et du 9-1 au 7-7, soit c'est dans le même pétrin. Un jour on pétrin, on m'aime pas trop. La lampe pétrit sur MP3. Si les sons, c'est si ça saoule sec, on s'excite sous soul sick. En 5-7, c'est le souk. Et yo le rap, tu me vois qu'à travers As. Et si tu veux qu'on trouve à 11, c'est pinette, ma dune est free. De banlieue sud 91, on dit que dans la street ça fait. Mais c'est pas pareil qu'à Tchernobyl. Au fait, j'en profite pour dire que les conneries coûtent cher la bille. C'est Kamikaze, pervers, scrupule, 12 euros. Avec ma bière à 2 euros, le succès nous le désirons. Musique à l'homicide, est-ce qu'elle m'appelle comme homme de main. J'arrive en 2 ski avec un breuvage à la main. Et yo quoi de neuf m'amène, c'est quoi la mission. J'ai pris mon équipement sur moi, j'ai des missiles dans mes récits. Écoute le flow, des crétins d'un putain de DPT2. C'est pour les petites putes et les hargneux qui parlaient sur nous. Lentement mais sûrement, on taffe au coup par coup. Que la musique soit illégale et qu'elle atteigne Sarko. C'est pour ton bloc, c'est pour ta tête, c'est pour ton village en toc. Les mecs vont parler coup des flics et dans la street ça se moque. Pégale c'est pas qu'une avenue et dans les coins ça se méga. Entre la drogue et l'alcool, c'est qu'un clip d'Atas Kelta. Pour le bif, front, on buzz pas. Les bras, c'est bon. Tout ça l'abri. Ça l'abruti. On vient célébrer. On frappe. Ok, cool, on refrain. Si ça t'est vrai, c'est vrai. On refrain, on refrappe. Pour le bif, front, on buzz pas. Mes bras, c'est bon. Tout ça l'abri. Ça l'abruti. On vient célébrer. On frappe. Ok, cool, on refrain. Si ça t'est vrai, c'est vrai. On refrain, on refrappe.